volute d'étincelles aurore, flamme d'eau crépuscule, géant minuscule, néant majuscule, tout ça fuit sans volonté de notre canalisation, par faille intérieure, et nous reviendra sans désir, souvenir boomerang, par fêlure extérieure. Écorchure provoquée par l'autre sur notre muraille d'échine, rencontrée lointaine. Rangés sur l'étagère, nos corps, la belle affaire. Vous étiez là entre nous, y avait juste à vous tuer, peur mortifère. L'espoir de briller dans le noir, dans le flou, silex choc, phénix fou. Des choses cachées, beau nous tuer à chercher, garde ce pouvoir sur nous, ne jamais se livrer pleinement. Consolés par l'ivresse délivrante de ce son essence de gouttes d'étincelles.